France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, héros et lecture d'enfance. Nuit spéciale, héros et lecture d'enfance, première nuit. Ce qui signifie, alors ça c'est facile à deviner, que samedi prochain, à la même heure, une deuxième nuit spéciale prolongera notre voyage dans le passé, celui de nos enfances respectives, à travers un choix d'archives et d'entretiens, évidemment limité. C'est-à-dire que c'est une sélection de héros et de lectures d'enfance que vous, auditrices et auditeurs, enrichirez évidemment par l'évocation d'autres héros et d'autres souvenirs de lecture de vos jeunes années. Rapidement, voici ce qui nous attend. Alors cette nuit, nous pourrons suivre une tribune de Paris consacrée en 1946 par Paul Guimard à la littérature enfantine. Il recevait Jaboun, à savoir Jean Noin, Alain Saint-Augan, le créateur de Ziguepus, Laurent de Brunhoff, le fils de Jean de Brunhoff, qui lui-même était le père de Babar, comme chacun sait, et Georges Rajot, qui était éditeur de L'Heure Joyeuse. À 1h05, des contes à faire écouter tout de suite aux enfants, il faut les réveiller ou éventuellement leur faire entendre demain, podcaster ou en ligne. Alors les contes, c'est Peau d'âne, de Perrault, La droite princesse, d'après Marie-Jeanne, l'héritier de Villondin, puis Yvon et Finette, d'après Édouard Laboulaye. Trois contes adaptés par Paula Eloïs Masson et mis en onde en 1951 par Pierre Barbier. Nous recevrons ensuite le scénariste Luc Brunswig pour sa reprise du personnage de bande dessinée Bob Moran aux éditions du Lombard. Bob Moran, héros de roman tout d'abord, signé Henri Verne, mais qui a poursuivi sa carrière dans la bande dessinée, et là qui la reprend avec nouveaux dessinateurs et nouveaux scénaristes. Puis nous suivrons Mowgli parmi les loups de Kipling, Un bon petit diable de la comtesse de Ségur, puis Les pieds nickelés, etc. Voici pour la première nuit. Alors, la deuxième nuit, celle de samedi prochain, très vite alors, eh bien, au programme Corto Maltese, un peu de Sylvain Silhouette sans doute, La belle au bois, une pièce de Jules Supervielle, Michel Vaillant. Philippe Graton viendra nous parler de la suite des aventures du coureur automobile créé par son père, Jean Graton, mais aussi Fifi Brindacier, Bécassine, Achille Talon et puis Alix de Jacques Martin, les classiques, donc de tout genre. Christophe Mourtet, bonsoir. Bonsoir Philippe Garbi. Vous aimez les classiques ? J'aime les classiques, ils nous ont construits, on va dire. Oui, bercés. Bercés, construits, on les a admirés et on a essayé de se prendre pour eux aussi, bien sûr. Donc chaque génération a ses héros, chaque adulte peut énumérer, évoquer, chérir ses héros. Alors si j'en crois la belle exposition consacrée actuellement au vôtre de héros, au Musée de la Poupée à Paris, Christophe Mourtet, plus le livre qui l'accompagne et le prolonge, vos héros, ces héros de Quand j'étais petit, pour citer le titre de l'album que vous signez en compagnie de Frédéric Menant, eh bien ces héros, vous n'avez pas fait que les fréquenter jeudi après jeudi, c'était le jeudi je crois à l'époque. Oui, c'était le jeudi, absolument. Voilà, semaine après semaine à la télévision. En l'occurrence, vous avez fait vivre, vous avez continué à les inventer, vous les avez matérialisés et puis vous les avez collectionnés. Mais en fait, quand j'ai quitté l'adolescence, je me suis mis à les collectionner parce que je les avais perdus à l'écran et je voulais les retrouver. Ah c'est ça, c'est pas au fur et à mesure, chaque semaine vous disiez tiens demain je vais m'acheter un petit morceau de Nicolas Pimprenel. Non, pas à cette époque-là, parce que les parents nous offraient. Mais ça m'est venu bien plus tard, après mes 20 ans, quand l'adolescence fout le camp, comme dit mon ami Renaud, et qu'on perd tous ces héros pour rentrer dans le monde adulte. Ça, c'est ce qu'on regrette. Parce que oui, l'exposition a pour titre donc « Héros de l'ORTF, la télévision française en jouets, des années 60 aux années 80 ». Alors ça pourrait être jusqu'à la fin des années 70, quand on dit les années 80, mais non. Pour moi, ça s'arrête en 74, en fait. Ah bon, alors ça, le titre est un peu mensonger, non ? Non, le titre, ils ont un peu voulu plus. Ils veulent toujours plus. Mais pour moi, à mon adolescence, c'est Casimir, c'est la fin, c'est 74. Oui. Ensuite, je passe à d'autres héros de ma vie, des footballeurs notamment, et des filles, oui, qui ont changé radicalement mon point de vue sur la jeunesse. Ouais, parce que je m'étais dit peut-être que trois décennies d'enfance, Christophe Mourtet, ça faisait quand même C'était une enfance un peu longue. C'était beaucoup, oui, oui, c'était beaucoup. Mais je suis un artiste et vous savez que les artistes ont besoin de garder leur âme d'enfant. Oui, alors vous êtes photographe, donc ça c'est votre métier. Collectionneur, donc c'est une passion ou une obsession. Oui, une obsession. Ça a dû être très envahissant. C'est très envahissant, mais on ne compte pas le temps, on ne compte pas l'argent et on ne compte pas la place. Ce qui compte, c'est de remplir son cœur d'émotions et de vibrations et de souvenirs qui étaient tellement doux quand on était petit qu'on a envie de les garder toute la vie, quoi. Alors donc, en fait, je découvre que c'est plutôt adolescent et puis devenu adulte que vous collectionnez c'est les personnages ou les disques ou les figurines ou les peluches. Peluches, tout ce qui est à l'effigie de, les poupées, les figurines, oui, tout ça, on a envie, quand on en a un bleu, on a envie d'avoir aussi le rouge, parce qu'il y avait aussi le rouge, on a envie d'avoir celui qui avait des roues comme ça, parce que là, on a envie d'avoir, oui, on a envie d'être très complet, parce que très avide de souvenirs. Alors vous étiez un petit garçon dans les années 60. J'étais un petit garçon dans les années 60, je mangeais des treats, je faisais du patin à roulettes dans les rues du 15e, dans les couloirs de la maison de la radio. Parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de danger et que nos seuls héros étaient fantastiques et qu'on ne craignait rien. On était dans une époque très rose et très, très heureuse. Claude Mourtet est donc réalisateur à la radio. Il était réalisateur à l'ORTF, à Radio France. Radio France. Et à la télévision également. Aussi. D'où cette image que vous nous donnez, comme ça, d'un garçon faisant du patin à roulettes dans la maison de la radio. Bon, oui, moi j'ai connu tout cet endroit de tout petit. J'allais à l'arbre de Noël de la maison de la radio. Et puis on croisait des vedettes, et puis on croisait Guy Lux, et puis on croisait des tas de gens connus, et puis on rêvait. Alors vous aviez envie aussi de croiser, j'imagine, Christophe Mourtet, si j'en crois cette exposition et le livre, vous aviez envie de croiser Nicolas Pimprenel, bien sûr, parce que Thierry Lafronde. C'était des héros qu'on nous a mis devant les yeux au début des années 60 avec l'apparition de l'écran télé, donc c'était très violent, très, très puissant comme image, très coloré, les personnages étaient extraordinaires, ils étaient faits par des créateurs mais des types géniaux qui avaient travaillé avec des balles de ping-pong, de la laine, du papier, et puis ils les ont animés image par image. C'était vraiment la naissance d'une nouvelle passion pour les enfants. On abandonnait les soldats de plomb des années 50 et les pauvres baigneurs, les poupées baigneurs. On est rentré là vraiment dans une nouvelle ère de la jeunesse. C'était très coloré, dites-vous. La télévision en couleur n'existait pas encore. Mais... Oui, mais les jouets étaient colorés. Tout ça, c'était très... Voilà, la télé apparaît à la fin des années 60. Donc tout ça, on est... En couleur. Oui. Alors, donc, quand même, collection reconstruite, en fait, après l'enfance et après l'adolescence. Mais vous aviez sans doute des cadeaux, parce que, je ne sais pas, il y avait des... dans cette exposition, alors, c'est au musée de la poupée, donc on traverse ce très joli musée de la poupée, très calme, très cosy, voilà, qui est à 100 mètres de Beaubourg, un petit peu plus animé. Et on est accueilli par les poupées que vous n'avez pas déplacées, elles sont toujours là. Voilà. Il y a les poupées traditionnelles, les poupées des années 50, des années 30, des années 20. Du 19e siècle. Du 19e, il y a des poupées incroyablement chères, des poupées incroyablement belles, mais qui, moi, ne me parlaient pas. Et puis on a décidé, il y a des salles d'exposition temporaire, on a décidé de consacrer deux salles à cette exposition. Samy Audin n'y croyait pas trop, il était un petit peu réticent. Mais du musée. Oui, parce que c'est un Italien, c'est un grand collectionneur de poupées, c'est un spécialiste de la poupée en France. Et finalement, il s'est laissé séduire par l'idée. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très heureux de ça. Ça lui apprend beaucoup de choses, ça lui plaît beaucoup. Alors, donc ces poupées, vous vous êtes dit un jour, je vais continuer à acheter, je vais refabriquer mon enfance, je vais la retrouver. Mais quand vous étiez enfant, j'imagine quand on a un père qui travaille à la radio, comme c'est votre cas, Christophe Mourtet, on a peut-être on peut vous apporter un petit nounours comme ça en peluche, une marionnette de Pollux, ou je ne sais pas moi. Non, quand on baigne dedans, on se rend pas compte de l'impact. Je pense qu'on est habitué. En fait, à avoir tout ça autour. Mais vous l'aviez. On avait, oui, absolument. On a eu des poupées. Moi, j'ai eu des poupées Thierry Lafronde, j'ai eu des panoplies Thierry Lafronde, des panoplies de Zorro, des Pollux à roulettes, en pagaille. Tout ça, ça a été très marquant pour ma jeunesse. C'est vraiment. Et puis, comme j'ai eu une enfance vraiment de bonheur avec un papa et une maman qui étaient très, très gâteux de nous, mais qui nous ont gâtés aussi beaucoup. C'est vraiment une enfance rose et c'est vraiment une enfance qu'on n'a pas envie de quitter, vous voyez. On a envie de vivre ce rêve toujours. Mais alors, donc vous aviez des objets, parce que vous ne les gardiez pas en somme. Non, les objets dans les années 60 ne se collectionnaient pas. Les objets se jetaient. On ne les gardait même pas pour les pauvres, on ne les gardait même pas pour les transmettre. Donc tout ça a disparu. Puis c'est un jour, 20 ans après, vous vous apercevez dans une brocante ou dans un musée qu'il y a un pot luxe qui traîne. Vous dites, ah mais celui-là je l'avais quand j'étais petit, c'est incroyable. Comment pourrais-je faire pour en avoir un autre? Et là, la quête du Graal recommence. Oui, parce que je me suis dit quand même, quand il y a des jeux éducatifs, il y a aussi... Il y a par des exemple, cubes, voilà, il y a des puzzles, bien sûr. Le petit train, alors là, ça va évoquer... fantastique. Oui, c'était quoi, ça, ce petit c'était train c'était un petit programme qui était entre deux programmes, par exemple, entre les infos et le film du soir. Comme à cette époque-là, la pub n'était pas encore très ancrée dans nos, voilà, entrée dans nos télévisions, ce petit train était un petit train rébus qui, sur une musique languissante, passait... Il y avait un rébus, et cinq minutes après, il repassait avec la solution. C'était l'interlude. C'était un interlude, ce qu'on appelait l'interlude. C'est Maurice Brunois qui avait fait ça, et c'était... On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui à la télé, tellement le temps compte en argent aujourd'hui à la télévision française. Et alors, c'est pour ça que je me suis dit, en voyant ça dans une vitrine, je me suis dit, mais comment a-t-il pu conserver ce jeu? Parce que... Je l'ai retrouvé, non, je l'ai retrouvé. Vous savez, ce sont des heures et des nuits de recherche dans les brocantes... Dans les foires à tout. Et j'ai fait ça toutes mes années 80, toutes mes années 90, effectivement. Et puis alors, vous les avez mis de côté? Je les ai mis de côté, je les ai mis dans des vitrines, je les ai collectés, je les ai soignés. Alors, il y a des objets qu'on retrouve qui sont neufs, qui sont sortis d'un vieux magasin où vous allez dans les Alpes ou en Provence, vous rentrez dans un magasin de jouets très ancien, vous dites, vous n'auriez pas encore un Pollux, une Margotte, un jouet de l'ORTF? Là, vous trouvez un jouet neuf. Ou alors, en brocante, vous trouvez le jouet d'un enfant qui a vécu, qui est usé, qui est peluché. Et ça, c'est aussi étonnant à faire. C'est plein d'émotions, c'est très émotionnel, vraiment. Mais pour autant, c'est une collection qui était tout à fait égoïstement cachée. Oui, c'était tout à fait égoïstement caché, et ce n'est que sur un coin de table en juillet dernier qu'on a décidé de la montrer au public, en fait. Ça s'est fait par hasard. Je ne sais pas, c'est les hasards de la rencontre, les rencontres de la vie qui fait qu'un jour, on vous dit « Ah, mais moi, j'ai ça, pourquoi pas ?» Et à ce moment-là, on accepte de le partager. Mais c'est vrai que le collectionneur est un peu égoïste, il ne partage pas toujours. Alors pour raviver la mémoire des auditeurs des années 60, en tout cas, des téléspectateurs qui étaient des enfants dans les années 60, il faudrait qu'on écoute, et on va écouter quelques petites musiques, quelques bouffées comme ça, quelques génériques. Ils étaient très importants, ces génériques. Dans n'importe quel ordre d'ailleurs. Voilà, on écoute. Ça, je pense que même si on n'a pas été téléspectateur dans les années 60, tout le monde connaît cette musique de Jacques Loussier qui est incroyable, qui vous fait monter le frisson sur les bras, c'est hallucinant. Quand on voit Thierry Lafronde et Isabelle marcher dans l'écran face à vous qui arrive, c'est absolument étonnant. Même aujourd'hui. Ah, toujours. Oui, je vous garantis toujours. Alors vous, quand vous étiez petit, donc vous regardiez Thierry Lafronde, c'était le jeudi. Tout était le jeudi. Il y avait qu'un jour. Non, il y avait le dimanche aussi en fin de journée. Il y avait des programmes en fin de journée. Alors que le jeudi, vous rentrez... Je passais toute mon après-midi devant la télé. Il y avait Thierry Lafronde, il y avait Rocambole, il y avait Zorro, bien sûr. Il y avait le Manège Enchanté. Et puis à 19h25, il y avait Bonne Nuit les Petits. Tout ça. Donc vous passiez une journée, vous abîmiez les yeux. Oui, ça, je m'abîmais les yeux, mais je sautais sur les fauteuils aussi. Hein, pendant que ça passait, je m'habillais en Thierry Lafronde, je m'habillais en Zorro. On vous voit d'ailleurs en Zorro. Oui, je le fais toujours. Dans le livre... Je m'habille toujours en Zorro. En Thierry Lafronde, beaucoup moins, parce que le collant n'est pas très saillant. Mais en Zorro, ça reste le héros que tout le monde connaît, vraiment. Il a traversé les générations. Et je crois qu'aujourd'hui, de 2 ans à 99 ans, tout le monde connaît Zorro. Et donc, enfin, vous vous déguisez en Zorro dans quelle situation? Pour des soirées. Ah, oui. Là, je fais les signatures du livre au musée en Zorro. Et ça plaît beaucoup aux petits-enfants. Et je vous garantis que voir la tête des petits-enfants quand ils me découvrent en Zorro, c'est juste merveilleux. Quoi. C'est, D'ailleurs, le fils du comédien qui vous a dédicacé. Absolument, je l'ai rencontré il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Lui vivait de vente de répliques du costume de Zorro pendant quelques années. Voilà. Et j'ai récupéré un costume de Don Diego de la Vega. Alors, pour cette première nuit spéciale héros et lecture d'enfance, il faut dire que nous parlons du musée de la poupée à Paris. C'est dans le 3e arrondissement, impasse Berthault, un petit musée. On l'a dit, on passe devant des vitrines qui accueillent les poupées des traditionnelles, des siècles, siècles précédents. De poupées. Et puis, on arrive dans l'exposition... votre exposition, donc Héros de l'ORTF, la télévision française en jouet des années 60 aux années 80. Alors il a fallu que vous fassiez un choix, il a fallu que vous regardiez les vitrines, quelle allait être la croche première, à qui vous alliez donner, est-ce que c'est chronologique ou votre amour le plus fort arrive en première vitrine? Non, l'exposition est chronologique parce qu'il faut quand même apprendre aux jeunes téléspectateurs ce qu'ont été les héros de la télé. Donc on a fait une exposition chronologique et il y a des vitrines, c'est vrai, qui sont plus ou moins importantes, comme Bonne Nuit les Petits, le Manège Enchanté, qui tiennent beaucoup, trois vitrines beaucoup de place. Pour Bonne Nuit les Petits. Oui, il y a trois grosses vitrines et encore, on n'a pas tout mis. Mais c'est... Parce qu'à l'époque des années 60, le merchandising et le jouet promotionnel de ces séries-là étaient énormes. C'était vraiment l'apogée en création des jouets. Ça a été énorme. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 450 000 Pollux qui ont été vendus dans l'année 1964. Ce qui est juste, dans les années 60, énorme, quoi. Ça, c'est pour vous dire le succès. Mais il y avait une chaîne aussi. Et il y avait une chaîne. Tout le monde regardait la même. Mais tout le monde connaît Pollux. Tout le monde connaît Pollux et Zorro. Ce sont sûrement les deux personnages les plus connus. Alors, il y avait aussi quand même les héros des bandes dessinées, parce qu'il y avait je ne sais pas si c'était le jeudi ou le mercredi, mais enfin les journaux Tintin, Spirou, bien Pilote, sûr, bien sûr, paraissaient. Tintin, Spirou, il y a eu Astérix ensuite, il y a eu tous les Pif Gadget qui ont remué beaucoup de BD aussi. Tout ça se mélange, mais l'impact télévision est plus fort que la BD. Alors, écoutez, on va faire une visite guidée, Christophe Mourté, de ce musée de la poupée, de votre exposition surtout. Donc, la première vitrine, elle est consacrée, si je me souviens bien, à la poupée Claire. Oui, on commence avec la poupée Claire. Voilà. Alors, par chance, on n'a pas trouvé la voix de la poupée Claire, où on n'a pas vraiment insisté. Je trouve qu'elle a une voix de petite fille railleuse, ah bon, pas très intelligente. Ah voilà, vous n'étiez pas fou amoureux de Je ne ah vous non, pas. Pas du tout. Juste du physique, mais pas de la voix, hein, je vous garantis. Oui. Mais elle présentait la séquence du spectateur avec des extraits de films. Alors, elle avait Bigoudi, c'était son chat. Alors, Bigoudi, aussi. C'est un chat noir qu'elle avait auprès d'elle. Oui. Et vous vous souvenez de... On la présente, alors, il y a des disques, tout. On a vraiment vendu là, cette poupée Claire en figurine. Oui, elle a été vendue comme une poupée avec un haut-parleur sur le ventre. Et ce haut-parleur se branchait à un Tepaz. Et on avait un disque de la poupée Claire. Et la bouche de la poupée bougeait. Voilà. C'est de la haute technologie. Oui, elle disait quoi? Bonjour les petits enfants, vous avez bien mangé aux friandises, est-ce que vous avez droit à regarder la télé? Elle parlait pas. C'était si très vite, moralisateur quand même, hein, pour l'époque. Ouais. On disait que c'était la speakerine de la télévision. Oui, c'était la première speakerine de la télé, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, en fait, il y avait deux télévisions. Il y avait la télévision pour les adultes. Voilà. Il n'y avait pas plus un nombre d'heures incroyable de programmation. De programmation. Ouais. Encore que dans les années 60, quand même, ça s'est arrangé un peu. Mais pour les enfants, il y avait une vie parallèle de la télévision. Il y avait une vie parallèle, oui. Et vous étiez seulement dans cette vie parallèle ou Non, on n'était que dans la vie des enfants, je vous garantis. Alors le petit train, Joël et les abeilles. Le petit train, Joël et les abeilles, après il y a eu Betty Beta. Bip et Véronique. Bip et Véronique, bien sûr, qui étaient deux petites marionnettes très rigolotes. Il y a eu le chat et la souris, Minizup et Matouvu, qui étaient... c'était des petits... Ils intervenaient dans les programmes, vous voyez. On essayait de mettre des programmes d'enfants un peu partout. C'était tout nouveau quand même, c'est vraiment la première fois. Ça avait commencé avec Ivanhoé en 1958, Rintintin, qui venait des États-Unis. Mais ils ont essayé de mettre des programmes d'enfants dans des programmes d'adultes. Et ils ont découvert que ça avait un impact énorme. Et vous-même, alors enfant donc de réalisateur radio et télévision, est-ce que vous étiez un cobaye? Est-ce qu'on non vous êtes allé Non, j'étais pas un cobaye, mais on était privilégié parce que les personnels de l'ORTF avaient droit à un poste de télévision à titre gracieux. Ah. Donc on a eu la télé très très tôt. Et vous pouviez en parler avec vos petits camarades. Voilà. Moi j'ai la télé, toi tu ne l'as pas. C'est sympathique. Et vous, est-ce que vous disiez à ceux qui avaient la télévision, qui n'avaient pas vu un feuilleton, enfin un épisode, que vous saviez la suite peut-être, vous jouiez au garçon privilégié? Non, mais dans les cours de récréation, le tiré d'affront c'était moi, puisque c'était moi qui avais la télé, par exemple. Ouais. Alors, le livre, c'est Mes héros de quand j'étais petit, Christophe Mourtet. Et puis donc, Frédéric Menant. Frédéric Menant a fait tout le design du livre et est associé au livre sur cette partie. Les jouets de la télévision et du cinéma. Alors, quand j'étais petit, c'est grammaticalement, c'est correct, mais on a l'impression quand même que vous n'avez pas cessé de l'être. Vous avez beau dire que vous avez quitté l'enfance vers 20 ans, ce qui est déjà un peu tard. C'est un peu tard, mais bon, mais enfin, j'ai connu des filles avant quand même. Non, mais c'est pas le problème. De toute façon, on va pas vous reprocher alors qu'on fait deux nuits sur les héros de l'enfance d'être dans la régression. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc Rintintin et Rusty, vous l'avez dit. Il y avait Ivanhoé aussi. Ivanhoé. Thierry Lafrande, on l'a entendu. Il y a aussi dans les vitrines de présentation, il y a un télé 7 jours. Alors, il y a un télé 7 jours. Il y a un peu de journaux, il y a un peu de cartes postales. Il y a une vitrine aussi sur Georges Randall, Au nom de la loi. C'est quand même, faut savoir que Steve McQueen a débuté avec ça, quand même. Entre autres, enfin en tout cas à la télévision. Il y a des oraux, l'a dit, des babars, L'île aux enfants. L'île aux enfants, c'est la fin pour moi, c'est 74. Le Muppet Show aussi. Le Muppet Show, parce qu'il est quand même indissociable de la télé. Il a, lui, mélangé la réalité avec les héros, avec les vrais acteurs. Ils ont intelligemment fait venir de vrais acteurs pour intervenir dans leurs émissions. Ça, c'était assez intéressant comme concept. Jim Henson avait trouvé vraiment un concept attrayant. Alors, vous écoutez peut-être un autre générique, une autre musique qui parlera tout autant aux mémoires de nos auditeurs. On ne dit pas quel genre de musique, parce qu'on va la découvrir, la reconnaître sans doute. Moi, je ne m'identifie pas, mais je n'ai pas eu de télévision petit ni plus tard. Privé donc, de ça télévision vient de là. Déjà. Ça, ce sont les mystères de l'Ouest. Ah, voilà. Mais avec Robert Conrad. Oui, mais là, c'est américain. Donc c'est américain, pas... mais bon, c'était important. C'était des héros aussi, des héros fascinants. Il y avait un revolver qui sortait de la manche, il avait un pantalon en cuir, il avait un chapeau, il était toujours propre quand il tombait de cheval, c'est extraordinaire. Mais vous faisiez la différence, vous, Christophe Mourtet, entre les héros français et les héros américains. C'est-à-dire que les petits garçons et les petites filles d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche avaient pu voir bien avant. Je crois que ça ne compte pas. Je crois que ce qui compte, c'est l'impact qu'il met dans votre cœur. C'est le frisson qu'il vous donne. Qu'il soit américain, français, belge, peu importe. C'est un peu comme les héros de bande dessinée, c'est pareil. Ce sont les émotions que l'on cherche, rien de plus. Alors, qu'est-ce que ça a pu changer votre vie d'enfant? Pas plus tard, hein, mais à l'époque, à part faire le Zorro dans la cour de récréation. Mais je crois qu'on se prenait pour des héros, et ça, c'est pas rien. Un petit garçon, ça le rend plus fort à la récréation, ça le rend invincible. Je pense que ça permet d'affirmer une certaine personnalité, ça permet d'être bien dans sa peau, ça permet d'avoir des petites copines, ça permet de plein de choses quand on est tiré la fronde. Vous n'imaginez pas l'impact d'un Zorro. C'était mixte, votre... Oui, votre... c'était mixte. Ah oui, votre école. J'ai toujours été dans des écoles mixtes. Ah bon. On parle des cours de récréation. Je vous signalais que le petit Nicolas, alors qui a passé sa vie dans les cours de récréation et de Goscinny et Sempé, il y a l'intégrale avec des inédits chez Imav Éditions, 7 volumes. C'est formidable. 7 volumes. Alors, je vous énumère les petits Nicolas en question. Le petit Nicolas, les récrés du petit Nicolas, les vacances du petit Nicolas, le petit Nicolas et les copains. Ça, on s'en souvient, on les a tous lus. Enfin, le petit Nicolas a des ennuis. La rentrée du petit Nicolas, les bêtises du petit Nicolas, le petit Nicolas et ses voisins, le petit Nicolas voyage, les surprises du petit Nicolas, le petit Nicolas c'est Noël, le petit Nicolas s'amuse, la bagarre, les bagarres, le petit Nicolas, le ballon. Ça, je ne connaissais pas. Je me réjouis à l'idée bientôt de pouvoir lire toutes ces aventures du petit Nicolas. Mais ça, c'est formidable parce qu'il peut y avoir une identification totale de ce qu'on a vécu quand on était gamin. Et avec ses petits camarades, alors Alceste, Eudes... Bien sûr, c'est formidable. Moi, je trouve ça très tendre et très touchant. Aignan. Et Sempé était un dessinateur extraordinaire. Et Goscinny, n'en parlons pas. C'est juste du bonheur, la réunion de ces deux-là. Mais alors, est-ce qu'il n'y avait pas quand même les enfants qui lisaient et puis ceux qui regardaient la télévision? Moi, j'avoue que je ne lisais pas beaucoup. C'était très compliqué de me faire lire Le Dernier des Mohicans ou Alice ou les petits bouquins, des petites collections vertes ou roses. C'était un petit peu compliqué pour moi. Moi, j'étais pas très intellectuel, contrairement à mon père. Ah oui. Mais moi, je regrette rien. Je me suis bien construit et puis Chacun sa culture, et puis c'est tout. Ah, c'est vrai que vous considérez comme non intellectuel, est-ce que vous ne lisiez pas la collection le Oui, c'est étonnant, mais... J'ai fait un bac philo quand même, mais je pense que je suis d'une nature plus légère, on va dire. Non mais voilà, peut-être que l'image, malgré tout... Voilà. Moi, je suis un visuel par mon métier aujourd'hui. Oui. Donc, voilà, je me suis pas exprimé par des écrits, je me suis exprimé par des images. Puis je pense que en faisant ce livre, mes héros de quand j'étais petit, et puis cette exposition au musée de la poupée, Christophe Mourté, vous avez eu plaisir, évidemment, donc un jour quand même, comme ça, c'est pas un hasard si c'est cette année-là, cet hiver, et ça se poursuit jusque début mars, à montrer aux autres, enfin, à leur dire, bah voilà, c'est ça. Mais vous avez le plaisir, il s'est multiplié parce que vous avez photographié. Oui, j'ai photographié, je les ai remis en scène. J'ai travaillé avec mon maquettiste, on s'est amusé à illustrer ce livre avec les objets. Et je les ai redécouverts, en fait, aussi, parce que je les ai ressortis de mes vitrines personnelles pour aller les mettre dans d'autres vitrines publiques. Je me suis un petit peu amusé, j'ai un peu joué, j'ai un peu fait joujou, j'avoue. 50 balais, c'est pas plus mal, mais la nostalgie, c'est bien aussi. On vit une période difficile, on vit des années un peu noires aujourd'hui. Moi, je trouve que des livres comme ça et des expositions comme ça, quand je vois les gens qui viennent me faire signer des livres, ils ont la larme à l'œil, je trouve ça formidable. Mmh. Ben, et puis les couleurs sont c'est vif, c'est gai, c'est chantant. Les musiciens, on parlait des génériques, les musiciens ont fait des génériques incroyables qu'aujourd'hui on mémorise tout de suite et qu'on connaît par cœur. Enfin, c'est une puissance incroyable. Alors, j'ouvre au hasard. Alors, 1964, les aventures de Saturnin. Ben voilà, faire parler les animaux, ça a été fait avant Bouchité. Hein. C'est quand même... vous voyez, Jean Tourane l'a fait admirablement avec un canard. Et que dit-il alors, le canard? Il dit bonjour, je suis l'ORTF, je suis Saturnin. C'est formidable. L'ORTF, c'est la France. Oui, il y avait un petit côté franchouillard quand même. Mm-hmm. Hein, parce qu'on a été quand même les premiers à faire de la télé de cette façon. On a été très précurseurs là-dessus. Je vois Piccolo. Piccolo, Picolette. C'était des gens images, absolument. Alors, que faisaient-ils? C'était des personnages qui voyageaient dans Paris, qui s'amusaient dans Paris. On découvrait Paris avec leurs élucubrations. C'est un petit couple un petit peu dessiné géométriquement par Jean-Louis II qui est venu me voir à l'exposition et qui nous a cautionné cette exposition également. Alors, rien à voir avec Piccolo, Saxo et compagnie, que vous connaissiez peut-être? Non, qu'est-ce que c'est? Piccolo, Saxo et compagnie, c'était des disques-livres pour apprendre la musique. Ah oui, et voilà, c'était le monde merveilleux de la musique. Ils rencontraient tous les instruments, s'associaient. Ah, il y a eu plusieurs albums racontés par François Perrier. Ça ouais, aussi, c'est lié à l'enfance. Donc, ce qui est lié à l'enfance, c'est l'histoire d'animaux, qu'ils parlent ou pas. Mais celui-ci, il parlait très gentiment. La maison de Toutou. La maison de Toutou avec la voix de Jacques Morel. Lui, il parlait beaucoup. Hein. C'était, oui. Alors justement, tous ces comédiens qui doublaient, vous, si ça se trouve, vous les rencontriez Ah, moi, j'en ai rencontré à la radio. J'ai rencontré Micheline Dax. Ma sœur était très amie avec Roger Carrel. Claude Pieplu, qui faisait les Shadows, était un ami de mon père. Quand il téléphonait à la maison, c'était très amusant. Papa, tu as un Shadow au téléphone. C'était très, très drôle. Oui. Alors, ça ne gêne pas de voir un canard parler avec la voix de quelqu'un qu'on connaît dans la vraie vie? Bah écoutez, non, moi c'est assez amusant, oui, je dois dire. Mais par exemple, j'ai fait plusieurs séances de photos avec Micheline Dax, qui s'est toujours amusé à me faire Titus, le petit lion. Donc, vous voyez. Alors, bon, pour revenir à cette magnifique maison de Toutou, 78 épisodes de 5 minutes, série de, vous vous souvenez, Georges 67 de Georges Cross. Cross, voilà. Alors, donc, Toutou le chien, bien entendu, Zouzou la chatte, Kiki la grenouille. Kiki la grenouille, oui. Alors, il se passe des choses extravagantes, très dures. C'est un jardin où tout des vrais drames, chaque fois, bien sûr. À chaque fois, il y a un drame, à chaque fois, il y a une morale, surtout, et à chaque fois, il y a une leçon de vie. C'était très bien fait, c'était des marionnettes à gaines. C'est-à-dire, c'était des marionnettes dans lesquelles on enfile le bras. C'était la marionnette traditionnelle, mais qui était à l'écran pour cette fois. C'est comme du guignol, en fait, vraiment. Et vous, là, c'était alors, excusez-moi, mais vous avez. En 67. Jusqu'en 73, donc la 73, vous aviez quel âge? J'avais 15 ans, 14 ans. Et vous regardiez encore jusqu'à la fin de la maison? Non, ça m'a un peu passé quand même. Après, on n'était plus sur Chapuis, Chapeau, Collargol et des choses comme ça. Mais la maison de Toutou, c'était très enfantin. C'est avec ma grand-mère que je regardais ça, principalement, parce qu'elle était amoureuse de la voix de Jacques Morel. Qui faisait Toutou. Qui faisait Toutou, absolument. Et qui était un bon Toutou. Et qui toujours un bon Toutou photographe, un bon Toutou jardinier, un bon Toutou bricoleur. Vous imaginez toutes les leçons de morale qu'il a pu donner. Donc en 78 épisodes. Ouais. Mais c'était un très gentil. Et puis la voisine, c'était un très gentil. La perversité, c'était de regarder par-dessus la voilà. haie. Quoi, alors la petite grenouille passait par-dessus le mur, venait leur rendre visite, elle les perturbait, elle tombait dans le puits, elle faisait tomber la brouette, elle cassait un pot de fleurs. Ils faisaient du pique-nique ensemble, c'était très... Très ludique, très rigolo. Il ouais. n'y a pas eu de série dans les années 60 à la télévision, Christophe Mourtet, qui plus tragique, avec une dramaturgie un petit peu inquiétante quand même, parce qu'on sait bien que les enfants, d'ailleurs on le verra dans les contes de Perrault et puis plus tard. Oui, bien sûr. Voilà. Non, les séries plus tragiques, c'est les séries devenues réelles, comme Chapeau melon et bottes de cuir, par exemple, des choses comme ça. Là, on est plus. Mais c'était pas pour enfants. Non, mais à 7-8 ans, ça passait très bien quand même. Moi, non, c'était mes premiers émois de petit garçon quand même, et ma pile. Quand même. Oui. Après, on commence à passer à autre chose. On regarde différemment. Mm-hmm. Non, mais il n'y a jamais de... Enfin, de tragédie, heureusement, c'est fait pour les enfants. On ne va pas les traumatiser. Non, il n'y a jamais de tragédie. Mais... C'est pas fait pour ça. Hein. Moi, je ne trouve pas. Je n'ai pas ce souvenir-là. Et quand même, les feuilletons, par exemple, le feuilleton Thierry Lafronde, ça se termine avec un... Est-ce que c'était des... Ça se terminait chaque fois ou il y avait une suite? Non, il y avait une suite. Il y avait des suites. Ça obligeait le téléspectateur à revenir la fois d'après. Ça, ils avaient acquis ce principe-là. Comme dans les bandes dessinées, comme dans les journaux pour enfants, quoi. Voilà, bien sûr. Alors, vous avez cité tout à l'heure Bonne nuit les petits. Ça date de 1962. Je crois que c'est sans doute le titre qui a le plus marqué. En fait, la télévision a demandé à Claude Lédu de créer un personnage pour les enfants. C'est vraiment le premier personnage. C'était un programme pour envoyer des enfants au lit, vraiment. C'était déjà un petit peu directionnel. Hein. C'était très... Bah, c'était pas pour, oui, pour les c'était pas pour rigoler. Les envoyer sortir en boîte. Il fallait vraiment aller les coucher et ils avaient trouvé cette solution qui a été très efficace. Alors, dans ce musée de la poupée, dans votre exposition, Christophe Mourtet, trois vitrines, je crois qu'il y a une autre le série. Manège enchanté. Voilà, le manège enchanté. Manège enchanté est très important parce que d'avoir beaucoup de personnages, une musique, Jacques Baudouin, Micheline Dax pour les voix, on a quelque chose de très complet sur. Il y a le Zébulon qui est un peu le... Ah, on l'entend. Pardon ? On l'entend. On l'entend. Oui, oui. Ah, vous voyez. Trois vitrines. Et alors, précisons que vous êtes bien sur France Culture. Ça ne confondez pas. Pas d'erreur, vous êtes sur France Culture. Nuit spéciale, héros et lecture d'enfance. Christophe Mourtet, trois vitrines, donc on l'a dit, pour Bonne nuit les petits. Alors là, des albums. Une grosse peluche de Nounours. Oui. Un réveil. Enfin, tout ce qu'on pouvait vendre. Mais les enfants, c'était les 30 Glorieuses. Mais les enfants avaient beaucoup d'argent ou leurs parents avaient beaucoup d'argent. C'était des jouets chers en plus pour l'époque. Hein. C'était curieusement. Mais je crois que c'est. Pas pour les enfants, mais ça a été, c'est vraiment l'apogée du jouet. Il y a même un dentifrice. Il y a eu un dentifrice de Nicolas et Pimprenel, absolument. Non, pas Nicolas et Pimprenel, un dentifrice pour Nicolas et un dentifrice pour Pimprenel. Ouais. Donc les enfants. Tube bleu et tube rose, c'était assez étonnant. Ça, j'en ai en vitrine, c'est assez étonnant. Oui, c'est là où je l'ai découvert, je pensais pas c'est très dur à trouver. C'est mon dentifrice. Mais est-ce que ça a existé combien de temps, ça, finalement? Mais ça, en fait, les licences étaient pour un an, en fait, à chaque fois. Il faut savoir ça. C'est-à-dire qu'on donnait les licences. L'auteur accordait une licence à une société de jouets en janvier. On réalisait les prototypes au printemps. Ils étaient réalisés avant l'été. Et ça passait au salon du jouet en septembre-octobre pour Noël. Et ensuite, les licences au 31 décembre s'arrêtaient. Donc, c'était des licences très courtes. Mais il fallait que donc les marchands de jouets, les fabricants de jouets ne se loupent pas. Mmh. C'est-à-dire on décidait ou non de faire 500 000 Pollux. Ou des Nicolas et Pimprenel. Ou des Nicolas et Pimprenel, sous toutes les formes, en gobelet, en tasse, en poupée, en bouillotte. C'était absolument incroyable. Et puis bon, vous l'avez dit, il y a eu trois vitrines aussi pour le manège enchanté. Trois vitrines pour le manège enchanté, absolument. Alors c'est quoi les personnages du manège enchanté? Le manège enchanté, il y a Margotte qui est la petite fille, qui est un peu l'héroïne. Il y a Zébulon, qui est un peu ce petit magicien monté sur ressort, qui transforme tous vos désirs en rêves. ou l'inverse, ou tous vos rêves en désir, enfin tout ce que vous voulez. Il y a la manège enchantée, donc, qui est tenue par le père Pivoine, qui s'en occupe, qui le fait tourner. Puis il y a les petits amis de Margot, tout ça. Puis il y a deux, trois petits personnages, comme le lapin Flappy. Tout ça, ce sont des galeries de personnages qui permettent d'aller dans toutes les situations et dans toutes les histoires. Et en fait, comme on peut croire que c'est de 60 à 75, fin des années 70, mais non, parce que ça a été repris sur d'autres chaînes du câble. Ça a été repris de manière enchantée, ça a été traduit Internet, dans tous le les monde pays le d'Europe, c'est incroyable. Ouais. Donc en fait, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ou 30... Peuvent connaître. J'ai l'impression qu'ils se croient contemporains du début de Bonne Nuit les Petits, de Aglaé et Sidonie, Agénor Lecoq, Perlin quoi, Perlin puis... Papoute, non? Perlin Papin, vous avez non, dit Perlin ça Non, Perlin Popette aussi. Et Sacripant. Ah voilà, et Sacripant. Ça venait du journal, Lisette. Oui, ça venait du journal. C'est un peu plus tard, à la fin des années 60. Et puis Kirill Clown. Kirill le Clown, bien sûr, de Jean Image. Calimero. Après, on a Aglaé Sidonie, bien sûr. Alors, comme une collection n'est jamais terminée, j'imagine. Jamais. C'est le principe. On découvre toujours des objets. Voilà. Est-ce que le fait, finalement, de l'avoir exposé, d'avoir exposé votre collection cette année, jusqu'en mars, début mars, Christophe Mortet, est-ce que finalement ça met un terme à vos recherches Non, moi je me suis remis à chercher. Ah. Et curieusement, on s'est remis à me proposer des choses, vous voyez. Parce que tous les grands chineurs, les grands brocanteurs pensaient que j'avais arrêté, parce que j'étais complet. Mais en fait, on me téléphone encore aujourd'hui pour me proposer des choses. Ouais. Que vous manque-t-il, par exemple, dans la collection Bonne Nuit? Vous savez, il y a toujours le poids, la collection, les marionnettes originales, ce serait bienvenu, oui, en fait. Et il n'y a pas des pyjamas, Bonne Nuit les Petits? Il y a des pyjamas, absolument. Voilà. Des pyjamas, des ranges pyjamas, des marionnettes. Et qui touchait tout ça? Ce sont les auteurs qui touchaient les droits. Pas l'ORTF? Alors, il y a peut-être un vide juridique quelque part, oui. Parce qu'effectivement, c'était des productions de l'ORTF. Alors, il y a peut-être un bug quelque part qui empêcherait aujourd'hui peut-être les auteurs de réclamer leur part du gâteau. Vous savez qu'il y a vous le savez mieux que moi, qu'il y a un livre d'or à la sortie de cette exposition. J'ai vu la dernière fois que j'y suis allé deux fois, un texte en chinois, me semble-t-il. Oui. Vous l'avez fait traduire? Non, pas encore. Mais il y a des Japonais aussi qui viennent. C'est étonnant. Ouais. Les Japonais, ils adorent Zorro. C'est très, très drôle. Et vous leur faites croire que Zorro est français? Écoutez, je me suis fait photographier avec une Japonaise il y a deux jours. Elle était tellement contente de voir Zorro. Et je lui ai dit, donnez-moi votre adresse pour m'envoyer, afin que je reçoive une photo de tout ça. Mais j'habite Paris, c'est pas un problème. Vous voyez. Bon, écoutez, on voyage pas tant que ça, finalement. Là, encore deux mois pour voir cette exposition, donc c'est quand même... Oui, il la prolonge jusqu'en avril. Ah, il la prolonge jusqu'en avril. Ils ont décidé de la prolonger. Très bien. Alors donc, on rappelle son titre, Héros de l'ORTF, la télévision française en jouet des années 60 aux années 80. C'est donc jusqu'en avril, vous venez de nous le dire. C'est au musée de la Poupée à Paris. C'est Impasse Berthaud dans le 3e arrondissement. Le métro, c'est le métro Rambuteau. Et puis donc, le livre qui accompagne votre régression qui est la nôtre, Christophe Mortet, en compagnie de Frédéric Menant, mes héros de quand j'étais petit, les jouets de la télévision et du cinéma, une centaine ou plus de pages qui a feuilleté et à chaque fois entendre des O et des A parce que évidemment ça... Mais la régression c'est pas si mal de temps en temps, ah, mais ça fait pas de mal. Je n'ai rien contre. La preuve, vous écoutez France Culture, la première nuit spéciale héros et lecture d'enfance, dans un instant la Tribune de Paris, la littérature enfantine par Paul Guimard, puis trois Comte, Peau d'âne, La droite princesse, puis Yvon et Finette. Ensuite, nous accueillerons Luc Brunswig pour sa réinvention de Bob Moran, du personnage de Bob Moran. Il en est le scénariste. Mowgli parmi les loups ensuite. Un bon petit diable de la comtesse de Ségur. Et puis Les pieds nickelés. Emmanuel Riva au micro de Marguerite Gâteau qui parlait donc de ses premières lectures. Chapeau, chapeau, patapi, biribibi, abada, dada, bada, bada, bada. Pacha, pacho, pitipo, pacho, pacha, pitipa.